Salut Internet et bienvenue à cette nouvelle émission nommée Max et Steph réagissent, où on se permet de pas juste parler des questions que toi tu nous poses, mais des choses qui se passent dans l'actualité vidéoludique, technologique, et bref, tout ce qui nous... Qui nous tente de jaser de finalement. C'est un fourre-tout d'actualité. Oui, fourre-tout d'actualité. Est-ce qu'on va en faire régulièrement? On le sait pas encore, mais il est arrivé récemment dans l'actualité quelque chose qu'il fallait qu'on parle. Ben récemment. Quand même récemment. Récemment. Max, de quoi qu'on parle? Bon, écoute, à la maison. On sait que t'es au courant. Ben, premièrement, parenthèse. Moi, je commence ça avec une parenthèse. Oui. Je suis pas trop E3 dans la vie. Non. Moi, j'aime pas trop cette façon très consommatrice de présenter le jeu vidéo. Je trouve qu'on représente pas bien l'art derrière la conception du jeu, mais plus mettre l'emphase sur « faut en vendre, achète-le, puis order-le ». J'aime pas trop ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pendant la conférence de Sony, par exemple. Puis j'ai pissé à la terre. J'ai fait pipi par terre. Steph, on va réagir à l'annonce du remake de Final Fantasy VII. Premièrement, Oh my god! Oh my gosh! Holy fucking crap on the cracker! C'est bâton de cul de jatte. Honnêtement, moi quand j'ai vu ça, je dis non. Moi, je dormais quand ça a été annoncé, puis c'est un des amis qui m'a réveillé, puis qui m'a dit « va voir ça ». Puis j'étais sûr que c'était un troll. Ben oui, évidemment, parce que c'est pas la première fois que Squeenix fait semblant qu'ils vont faire faire un remake. Mais ils font jamais. Mais j'ai vu la dite annonce, et j'ai vu que c'était vraiment vrai, et que De vrai. Et que je pourrais, c'est pas sorti pas tout encore, non. Il jouait en grande primeur sur PlayStation 4. En 2017, lors des 20 ans du jeu original. Parenthèse. 20 ans. 20 ans, man! J'étais jeune. 20 ans! J'étais vraiment kid. C'est... Fudge! Ça fait longtemps. C'est assez incroyable. Je ne peux pas croire que ce jeu-là va avoir 20 ans. C'est fou pareil, hein? Hey, Steph, je remarque ça. Oui. On était bien en couleur de Passe-moi la manette aujourd'hui. Oui! C'est vrai. On fit avec le background, c'est écœurant. C'est cute au bout. À la maison, on s'est fait des petites notes, un petit plan à suivre, parce que sinon ça peut dérailler partout. On parle quand même d'un remake de Final Fantasy. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on a beaucoup de choses à dire. Oui, et pas trop de temps. Donc, non. 4 parties. Oui. Première partie, les réactions, c'est pas mal fait. Oui. Là. Toi, t'es-tu excité de ça? Moi, je suis comme la marde. Je suis comme la marde, mais... Ça. Écoute. Bon, OK. La marde le plan. Non, mais la première affaire, c'était nos réactions. OK, écoute. Fait que, vas-y, c'est quoi ta réaction? Comment tu réagis à ça, toi? Moi, je suis content, je suis emballé, mais en même temps, j'ai peur. Je t'explique pourquoi. J'écoute. T'as mentionné le mot qui a fait mal, c'est-à-dire le 20 ans. Ça fait 20 ans que ce jeu existe, ça fait 20 ans que j'ai joué à ce jeu-là et que j'y joue encore, là, parce que tu l'achètes ta PS Vita, peu importe. Il s'est passé bien des affaires depuis ce temps-là. J'ai joué à beaucoup d'autres choses. Les codes du JRPG ont changé. C'est vrai. Puis la vie. Fait que moi, je trouve personnellement que ce jeu-là a bien vieilli. C'est pas l'opinion de tous. Ouais. Mais je sais qu'il y a des points à changer à ce jeu-là, mais en même temps... Touche à rien, Square. Touche à rien. Laisse-le comme ça. Refais-le, là, beau, là. Tu voudrais juste qu'il mette une couche de peinture. Non, mais ben, je veux qu'il refasse les modèles puis qu'il me fasse un bon voice-over, mais touche à rien. S'il te plaît. Ce jeu-là, là, c'est possiblement le premier jeu que beaucoup de gens ont découvert par rapport au RPG, JRPG, c'est mythique, là. Ouais. Fait que, dès que tu dis que je vais te prendre ton premier JRPG, je vais te prendre un jeu mythique puis je vais y retoucher, fais bien attention à ça. Ouais, c'est sûr fais bien attention. C'est... malheureusement, Square Enix, avec ça, ils jouent un jeu bien dangereux. Parce que, premièrement, il faut qu'ils décident pour qui ils font le jeu. Est-ce Totalement. Que c'est pour les fans, pour les puristes, ou c'est pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle? Des gens qui n'ont jamais joué au Final 7, parce que quand même, ça fait 20 ans qu'il va être sorti. Ou est-ce qu'ils essayent d'aller avec la base, la fanbase? S'ils vont avec la fanbase, écoute, là, c'est dur parce que il y a peu de clientèle plus difficile à contenter qu'un fan. C'est le fan, si tu le contentes, il va être aux anges puis il va te pelleter son argent. Parce que le fan est une créature fidèle et très heureuse de te donner son argent pour que tu lui donnes plus de trucs. Ouais. Mais peu de furie égale celle d'un fan auquel on a touché ses affaires. Et malheureusement, les fans de Final 7 sont vocaux et sont fun. Assez que ça peut être... Ils vont vraiment marcher une ligne très mince entre le « est-ce que on garde tout exactement pareil? » Puis là, les gens vont être... Mais beaucoup de gens risquent d'être déçus parce qu'ils disent « Ben là, si vous avez tant qu'à faire ça puis rien fait, ben tu sais, faites juste jouer au jeu. » Ben non. Tu me donnes la chance de rejouer Full HD avec du nouveau modèle, un voice-over que je joue toujours. Hey, moi, quand j'ai joué il y a 20 ans, je le faisais, mon voice-over. Là. Je veux dire, tu m'offres la possibilité d'assister à quelque chose qui est complètement cinématographique. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que puis là, si on change trop de choses, ben là, les gens vont monter aux barricades. Donc, en effet, ça va être un jeu dangereux. Mais j'aime ce que tu dis sur les deux options, c'est-à-dire contenter le fanbase, donc c'est-à-dire retoucher à un jeu qui a défini le genre, ou redéfinir un nouveau genre, puis repartir de cette nouvelle base-là. Oui, parce qu'ils pourraient. Il n'y a rien qui leur en empêche. Ouais, c'est à eux. C'est à eux autres, ça. C'est eux autres qui le font. Ouais. C'est leur jouet avant d'être le nôtre. Exactement. C'est... Donc, oui, excités, mais comment est-ce qu'ils vont amener ce nouveau jeu-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça reste à voir. Bon, on le sait qu'on va leur pitcher notre argent. C'est ça. Moi, faut que je sois vivant jusqu'en 2017. Ben non, on peut pas, on peut pas mourir avant. Là, c'est... faut que j'essaye ça dans ma vie. Exactement. Mais d'ici là, petite liste des choses qu'on veut voir, qu'on veut pas voir. Oui, le deuxième point, Steph, oui? qu'on avait soulevé, qu'on voulait parler en grattant mon front, oui. c'était qu'est-ce qui doit changer dans Final 7. Bon. Moi, je viens de dire que je veux que rien change, fait que je te laisse la parole d'accord. en premier. Bon, je suis sûre que même toi, puriste que tu vas être d'accord avec une couple des affaires, des points que je vais soulever. Premièrement, le point le plus primordial, la chose qu'il faut qu'il change... la traduction. Ouais. Le problème numéro un de Final Fantasy VII dans son format original, c'est que la traduction est un peu un clusterfuck de problèmes. C'est... pardonnez mon langage. C'est moins pire que Final 6, là, mais... Oui, oui, mais quand même, c'est... Excuse-moi, je prends mon café. va, t'es chez vous, Max. Mm. Fais donc ce que tu veux. Mais non, la traduction est pas bonne. D'un point d'un autre... Est correct, mais il y a des erreurs de sens. Il y a des erreurs de sens. Beaucoup de choses, on se rappelle d'ailleurs du premier boss que la traduction te dit d'attaquer lorsque sa queue est levée sans te dire que, que si tu fais ça, il va contre-attaquer. La traduction est un peu et pas correct à ce niveau-là. Ça se pardonne. Là. C'est un apostrophe T qui manque. Là. Ouais. Mais je pense que le plus gros problème de la traduction, c'est au niveau du passé de Cloud. Oui, c'est le vrai. Le truc de la popette. Oui, est-ce que qu'ils ont traduit le lien de Cloud à Sephiroth comme étant que Cloud est un clone de Sephiroth, alors que c'est ce qu'ils appellent dans le jeu, ce qu'ils ont traduit par clone de Sephiroth, c'est pas du tout ce qu'on entend d'habitude par des clones. C'est des gens dans le jeu qui ont été injectés avec des cellules de Genova. Et du Mako. Donc, qui, à cause de ça, sont un peu contrôlés par Sephiroth, parce que lui, il est comme... Vraiment, il y a beaucoup de Genova power. Parce que c'est sa maman. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est sa maman, oui. Mais donc, de traduire ça par clone, puis comme quoi qui est une popette, ça met beaucoup d'ambiguïté. Mm. Et malheureusement, la traduction fait pas un bon travail de bien expliquer c'est quoi le lien entre Cloud et Sephiroth et qu'est-ce qui est arrivé à Cloud avant qu'il devienne... Soit avec Zach aussi, mélangeante. Donc, il y a définitivement beaucoup de choses à améliorer de ce côté-là. Tout ça se règle avec un voice acting. Oui, bien d'abord, avant le voice acting, il faut quand même qu'il fasse le script, là, le script de la base. Puis Google Translate marche beaucoup mieux aujourd'hui qu'il marchait dans les années 97. Certes. Bon. J'imagine qu'ils ont une équipe en Amérique du Nord qui travaille là-dessus. Bien sûrement, il y a probablement qu'ils font. Ça ne doit pas être eux autres là-bas qui... Je ne sais pas qui travaille sur la traduction. C'est pas très bon d'aller dessous du jeu. Sur la localisation, ce genre de choses-là. Mais on s'entend que Square Enix a quand même beaucoup plus d'argent maintenant. Oui, puis on fait du progrès aussi. Là. Ouais. Les derniers sont poches, mais sont bien traduits. Ben oui, voilà. Écoute, give and take. C'est ça. Donc, autre chose qu'il faudrait, qui change, à mon avis, c'est les courses de Chocobo, man! Oh mon Dieu! C'est... Le mal de cœur me pogne quand je fais ça, là. God! Juste change ça! Fais ça plus facile à contrôler. Que ce soit moins chiant. Pourquoi les deux triggers en même temps? Les deux triggers en même temps? C'est pour conserver le stamina pour mieux contrôler ton Chocobo. Parce que comme si tu tirais les reins. Ouais, comme si tu traînes les reins, mais il va plus vite. Ah, je sais pas. Yeah, c'est un peu ambigu, mais ce qui est dégueulasse là-dedans, c'est le jeu de caméra qui suit mal le chocobo. Puis un moment donné, tu passes comme dans Star Road, quelque part là-dessus, c'est weird. Pouvez-vous faire quelque chose un peu... Je peux pas croire que la piste de course de chocobo existe dans la Gold Saucer. Non. C'est vrai, hein? C'est impossible. Ça marche pas. Arrangez-vous pour que ça soit plus créable. Ouais. Est-ce que tu veux changer? Oui, quelque chose. Je trouve que, malheureusement, un des... Tantôt, tu me parlais que Final 7, c'était pas un de tes préférés. Non. Dans une autre émission. Nous autres, c'est tantôt. Oui. un peu dans une autre conversation qu'on a déjà eue, tu m'as déjà dit que c'était pas ton préféré. Ouais. Et que ce que tu trouvais le plus plate, c'est que malgré les personnages qui pourraient être cool, ils sont pas bien développés. Effectivement, les personnages sont froids, ils ont pas d'âme. Ce qui est dur aussi à trouver dans Final 7, c'est qu'est-ce qui unit ces personnages-là les uns les autres. La quête de chaque personnage est mal définie. Oui, puis pourquoi ils sont ensemble? Barrett puis Cloud se détestent. Tifa et Cloud, on comprend pourquoi ils sont là. Eris, on le sait que c'est sa quête. C'est ça comme ça. Mais tout le reste, Sid déteste tout le monde. Kate Sid est un espion. Puis il reste là même quand tout le monde sait qu'il est un espion. Red 13, on dirait que c'est un esclave. Ben oui, c'est OK, bon, il se fait sauver, puis il décide j'avais rien de prévu en fin de semaine, je vais hang out avec vous autres, guys. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être, qu'ils ont l'occasion de faire avec ce remake-là, c'est justement approfondir les personnages, rajouter peut-être un peu plus de quêtes secondaires. Je vais revenir sur ce que tu as dit après. De pouvoir plus approfondir la relation, expliquer, passer un peu de temps sur eux autres, peut-être pouvoir justement rendre Cloud plus sympathique. Quelque chose que je changerais aussi, je ferais en sorte que Yuffie et Vincent deviendraient non pas des personnages optionnels, mais des personnages à part entière, qui feraient vraiment partie du storyline. J'en profiterais pour justement un intérêt parce que surtout dans le cas de Vincent, son histoire est cool. Son histoire est folle, tu sais, là. Y a, en plus, il y a plein de liens avec Dr. Hojo, puis toute la quête de qu'a créé Sephiroth, finalement. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire là. Mais cette histoire-là, faut que tu la trouves. Faut que tu la trouves. C'est total. Ben, premièrement, Vincent est optionnel. Deuxièmement, faut que tu aies le sous-marin. Faut que tu aies le sous-marin. Faut que tu trouves la caverne dans laquelle Lucretia, oui, elle est. Puis là, elle t'explique. Puis encore là, c'est vraiment pas clair exactement qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque tu le sais, puis encore là, je sais pas si c'est totalement la faute de la traduction, mais c'est pas très clair comment c'est expliqué, alors que c'est vrai. Il y a quelque chose de super nice à faire avec ça. Et moi, j'en profiterais du remake pour mettre ça un peu plus en avant. Oui, parce que Vincent, c'est pas... Vincent, c'est pas un personnage... À un moment donné, tu oublies que là, dans ton équipe, tu le prends jamais. Je veux dire, t'as besoin d'un gunner, tu prends Barrette, là. Tu y penses pas à Vincent, là. Il est tellement comme omniprésent, là. C'est bien de valeur. Moi, je l'utilise. Pour vrai? Oui. Moi, quand Cloud est MIA, dans le fond, mon party, c'était Tifa, Sid, Vincent. Ah ouais? Ouais. Comment? Ah, Vincent, je l'ai utilisé une fois, quand t'as besoin de la submarine materia. Faut que tu lui donnes la matériau transform, puis il y a plus de chances, lui, de réussir le hit. C'est la seule fois que je l'ai utilisé. Mais oui, effectivement, si tu donnais un arme à Vincent, peut-être que les gens voudraient plus l'utiliser. Peut-être. Yuffie, quand elle est grindée, est juste complètement malade. Oui, elle est insupportable, mais... Oh my God, avec son... Attache, là. Avec son... tu lui donnes le... Avec son, voyons, je vais le dire, excusez-moi, c'est one take, son arme ultime, oui. Quand elle est vraiment grindée avec son arme ultime, elle est capable, son arme ultime bypass toutes les défenses. Fait qu'avec, elle est capable de tout transformer avec Morph. Mm-hmm. Elle a fait comme genre critique, c'est tout, là, tu sais, là, elle peut one-shotter n'importe quoi Morph. Fait que normalement, elle fait comme genre des pinottes de dommage, parce que justement, mais ça. L'arme bypass tout, fait qu'avec ça, elle nique n'importe quoi, tu montes tes personnages à source. Ouais. Super intensément, puis malheureusement, à botte des culs. Tout à fait. Bon, écoute, moi, ça couvre pas mal ce que ça je changerais. Bon, ben parfait. Good, mais. On va passer aux choses qu'on veut rien changer, puis ça sera pas une grande surprise. Moi, je vais te répondre rien. Je veux dire, change à rien, laisse ça comme ça. Okay. C'est parfait. Bon, t'es plate un peu, parce qu'à juste dire ça, Max, ça fait pas une belle discussion. Ouais, mais je vais prendre la relève. Mais c'est ça, d'emblée, je leur ai dit que je voulais rien que c'est vrai, je peux pas dire que t'as été malhonnête. Mais moi, il y a quelque chose que de très important, en fait, que je ne changerai pas. Et à mon avis, c'est ce qui fait l'âme de Final 7. Final 7 est... à tort ou à raison, vu comme excessivement emo. oui. Oui, parce que... Et malheureusement, je pense que la raison pour ça, c'est que la version la plus fraîche dans l'esprit de tout le monde de Final 7, c'est le film Advent Children. Mm. Qui est très, très bon. Ah, mon Dieu, que c'est bon. C'est vraiment bon. Sauf que tout le monde a l'impression que Cloud et tous les personnages de Final 7 sont exactement dans le jeu comme ils sont dans Advent Children, ce qui n'est pas le cas. Dans Advent Children, oui, tout le monde est très déprimé, mais c'est parce que le monde essaye de se remettre d'un événement post-apocalyptique et que là, en plus, tout le monde est malade d'une maladie étrange qui pourrait avoir été déclenchée à cause des héros. Dans le livre Another Way to Smile, c'est ça aussi, là. Oui. Puis ils viennent juste de finir leur quête, oui, donc ils sont pas... Donc c'est normal, ils viennent de finir la quête, ils sont vraiment fatigués pendant qu'ils sauvent le monde, OK? Tout le monde est dit « Aïe, c'est correct ». Là, là-dedans, c'est le après, puis évidemment que Cloud est déprimé, ça va pas bien, puis en plus, les enfants dont il s'occupe sont malades, alors que ça pourrait être lui qui les a contaminés. C'est vrai. Tu sais, fait qu'on le comprend dès demain, mais dans le jeu, Cloud n'est pas toujours comme ça. Cloud n'est pas toujours le brooding hero. Il l'est un peu, mais... Puis le reste du temps, il parle pas. Le reste du temps, non. Mais il est pas toujours comme ça. Puis surtout, oui, Final 7 est un jeu assez dark, mais la sombreur... Moi, ça me va. Sombreur du jeu est atténué avec beaucoup d'humour. Et dans le jeu, il y a toutes ces scènes vraiment loufoques où est-ce que La gang arrive à Costa del Sol, puis il y a le professeur Ojo en train de se faire griller à Beden. Fait comme genre, ah, allô Cloud. Ah non, moi je suis en vacances aujourd'hui, fait que je te ferai pas suer. Ou d'autres scènes où est-ce que tu sneak up sur les Turks qui sont en train de dire comme genre quelle fille qui trouve le plus cute dans Gang à Cloud. La shot avec Don Corleone aussi à Midgard au départ. Oh oui, ça là. Tu t'habilles en femme. En moi, ça là, c'est la chose que j'ai le plus hâte de voir. Square Enix, gardez ça. Je veux voir Cloud déguisé en fille en full HD, s'il vous plaît. Ouais. Ne me retirez pas ça. Ne m'ôtez pas ça. Je suis prête à faire les concours de squats puis la shot à Honey Bee aussi là. Oui, où est-ce que tu fais maffer d'une manière étrange. Oui, ou la shot où est-ce que t'es avec plein de dudes musclés dans un bain. Ouais. C'est weird, mais gardez-le. Hey, mais parlant de garder des trucs pis tout là. Toi, la réalisation, tu la verrais comment? Est-ce que tu verrais une caméra libre tout le temps ou... Honnêtement, moi, je pense qu'au niveau de la réalisation, si on veut... la Final 15, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, à la Final 13, dans le fond. Mm. Honnêtement, moi, non. Moi, j'irais un peu plus avec une réalisation, un peu plus à la Final 10 avec une caméra fixe. OK. Peut-être pas tout le temps, genre, mettons, je rends World Map, toutes ces affaires-là, si on est habitué, là, on met ça 360. Donc, tu garderais la réalisation telle qu'elle est présentement. Ah, oui, justement, parce que je me dis, si on veut garder l'esprit de Final 7, autant garder autant de choses qu'on peut garder sans trop de problèmes. Mm. Moi, je garderais un peu, justement, donc, la caméra fixe et peut-être même décor peint pour rappeler un peu l'esthétique un peu peinte à la main des décors de... Okay. De Final 7 original. Un peu justement, juste pour pouvoir qu'il y ait une continuité au niveau de l'esthétique de jeu, juste pour qu'on... On le sait tous que c'est un remake de l'autre, mais c'est juste pour... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, juste pour comme bien garder la transition, pour rappeler vraiment le jeu original. Moi, je le ferais comme ça. Toi, est-ce que t'as une vision différente? Non. Non, moi, je m'en vais parler d'autre chose. Ah oui? Fini. OK. Ben, c'est pas mal fini. Moi, okay. J'ai pas mal dit mon opinion. Parfait. Moi, Square, je veux pas que tu changes les combats. Je sais que c'est du combat tour par tour, puis que ça peut avoir mal vieilli ou quoi que ce soit, mais je crois pertinemment qu'il y a toujours une place pour le combat tour par tour bien fait aujourd'hui, puis même dans 2 ans. Oui. Je suis convaincu, la preuve, Bravely Default, c'est quand même un jeu qui a bien vendu. Qui a bien vendu là, pour une console portable. Pour une console portable d'un nouveau IP. Ouais. Que personne n'avait jamais entendu. 1 million de copies vendues worldwide, c'est quand même... C'est quand même pas pire. C'est pas pire pour en tout, là. Puis, j'ai pas de référence sur console next-gen d'un tour par tour, là, mais... Mais tant qu'à moi, il y a manière de ramener ce genre de combat-là, de mettre une fraîcheur, une nouvelle fraîcheur, je sais pas. Définitivement pas un action comme à la Final 13 ou quelque chose comme ça. Je pense pas que c'est quelque chose qui pourrait nécessairement bien fonctionner. Ben, le pire, c'est que ça fonctionnerait, mais ça serait pas Final 7. C'est ça. C'est ça l'affaire, surtout. Mais c'est là le problème, c'est qu'on revient toujours à... On revient toujours à l'essence de base de cette nostalgie-là qui nous tient tant. C'est sûr que les lunettes de nostalgie, c'est fort. Puis je pense aussi qu'en tant que consommateur, il va falloir travailler nous autres très fort de notre côté quand on va l'avoir devant nous pour pas partir dans nos rages de nostalgie puis de faire comme « Ah, ils ont changé, fait que c'est dégueulasse! » Puis qu'on se met à flipper des tables. Puis vouloir aller envoyer des lettres de menace à Tetsuya Nomura, là. Ouais. Mais... Ah, aussi! J'aime que je pensais quelque chose de changer, pas changer. OK. Parce que c'est un peu les deux. C'est un peu pas changer quelque chose qu'on changera pas. Ouais. Bref, tout ça pour dire musique de Nobuo Uematsu remasterisée. Par lui. Oui, par lui. OK, parfait. Par lui. Phew. Par lui. Non, mais tu sais, je veux dire... les sons ont changé depuis le temps. Là, je c'est pense vrai, qu'on c'était peut... fait avec des synthés MIDI à l'époque. Là, fait qu'il y a manière d'orchestrer ça un peu. De faire quelque chose, ça. Oh, ouais. La toune de fin. Là, le One Winged Angel. Ouais, ça, orchestral. Ben, je pense qu'elle existe déjà. Oui, il y en a plusieurs versions. Mais en tout partout, cas. Mais... Ah, mais non. Uematsu, retravaille ça. Sommes ça avec des plus meilleurs bons sons. Ouais. Puis on a de quoi. On a de quoi d'awesome, là. Ouais. Y a-t-il quelque chose que t'as hâte de voir dans le remake? J'ai hâte de voir. Ah! J'espère que. Ils vont être capables de garder les moments wow de. Quand. Comment je peux dire ça? Moi, je me rappelle du moment où est-ce que, tu sais, t'escalades pour te sauver de Midgard, puis que au loin, quand t'arrives au top, tu vois comme toute Midgard au complet, là, tu sais. Sur le bord d'autoroute, sur le bord d'autoroute, puis j'étais comme, ah, c'est hot, je veux qu'ils soient capables de vraiment recréer ces moments-là iconiques, qu'ils soient capables de leur faire. J'ai hâte de voir Cloud en fille. Ouais. Je veux. Je sais pas si t'as vu la bande-annonce à la maison. Là, il y a deux choix. Je vais faire deux versions de la vidéo. Une avec le trailer qui va rouler en quelque part. Mais on connaît YouTube, ses politiques d'utilisation. Fait que ça se peut que cette vidéo-là, il n'existe plus. T'as juste le lien en bas dans la description d'émission. Oui. Mais ouais. Moi, j'ai hâte de voir Night of the Round. Oh! Moi, j'ai quelque chose que je changerais pour vous le raccourcir. Non. Oh, come on, juste... Ben, c'est bien trop long. Attends. Donne-moi la possibilité de la raccourcir, là, mais raccourcis-le pas par défaut, là. Ouais, un peu comme, Final 10 avec les... Ouais. Comme avec les summons que tu pouvais faire comme une summon longue, summon court. Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Ça, j'ai pas ça, Square Enix, c'est une bonne idée. Mais l'affaire, c'est que le nombre de temps que ça t'a pris pour aller à chercher. J'espère en maudit que tu peux me laisser le plaisir des deux minutes à la regarder. Ça, puis j'ai hâte aussi des combats contre tes weapons. Moi, c'était mon bout préféré dans les finals. Ouais. J'aimais ça au bout. J'ai jamais été capable de battre Emerald et Ruby Weapon. Jamais été capable. Je t'explique comment. J'essaie! Ça te prend en main, ça te Cadra prend en main. Cadra Magic avec Knight of the Round. Ça, tu le fais x2. Donc, faut que tu ailles de. Puis après ça, tu fais mimic. C'est tout. Oui, mais ça te manque pas les deux. Je sais, mais ça te prend plus qu'un mimic. Oui. Mais puis c'est long à grinder mimic pour que. Oui, c'est long. Faut t'as, jamais les méga t'as jamais eu les méga matériaux? Oui. Ok. Bon ben, fine. La prochaine fois que tu joues à Final 7, tu viendras battre les weapons pour yeah. moi. C'est facile. Non, c'est pas facile! Oui, bon, en tout cas, bref. Finalement, c'est quoi le dernier point? Le dernier point, pas. C'était. C'était. De ben, voir. Nos attentes. Fait qu'on vient de les faire. Toi, y a-tu quelque chose qui. À part les weapons, autre chose que t'as envie de voir? Non. Ben, écoute, moi il est déjà préordé. Ah, parlant, ça me rappelle quelque chose aussi que je voudrais dire à tout le monde à Square Enix. Oui. Qui nous équipe. Oui. Nous écoute. Pour toi, lui, Square Enix. Toi, Square Enix, t'as la maison. Toi, Tetsuya Nomura. Résiste. Résiste aux fanboys qui vont te dire de mettre Aerith une possibilité de la garder vivante. Moi, non. Je paierais 10$. Facile, 10$. Mais ça. Pas 15, mais 10. 9,99. Non, tu peux pas avoir Aerith vivante parce que ça scrappe le jeu au complet. Oui, je c'est sais. Vivante. Le reste du jeu fait plus de sens si Aerith est là. À moins que tu aies un alternative story. Avec... Ok, je paye 20$, mais faut que tu me changes l'histoire aussi. C'est très hot, là. Je comme quoi que dans le fond... Aerith vit, mais elle rejoint pas le party pis elle les aide du background. Je sais pas comment. Écoute, mettons elle meurt, là. Pis là, j'ai acheté le DLC. Fait que je pourrais comme aller voir Aerith, faire un life dessus. Un life 3 parce qu'elle mérite d'avoir toute sa vie quand elle revient. Elle est noyée dans le fond de la. Hey, t'as-tu vu la... Hey, excuse-moi, là, on commence à jaser. T'as-tu vu la Game Theory? Ben oui, de... que j'ai vu! Qui disait qu'il était mort parce qu'il était paralysé. Puis parce que Claude noyée. L'a crissé dans l'eau. Oh, God! Tu iras voir ça, je vais te mettre le lien. C'est écœurant. C'est... tu vas voir... Telle Barrette et son Limit Break, tu vas avoir un mind blow. Écoute, ça te scrappe une jeunesse, là. Vraiment, là. Intensément. Ouais. C'est assez... oh, God, quand j'ai vu ça. Oh, boy. Tout ça pour revenir. Si, oui. Si je paye 20$, je sauve à Eric, puis j'ai une histoire nouvelle, ça pourrait être cool. Ah, ouais, si tu veux faire plaisir aux fanboys, un DLC de comme Eris avant qu'elle rencontre Cloud. Ça, c'est pas fou. Ah, tu sais, tu peux même mettre Zack Fair puis faire. J'aimerais pas genre, non plus. Comme un genre de Crisis Core, mais juste comme Eris. Ben, parce qu'elle a quand même eu une vie intéressante avant de rencontrer. Ben oui, avec les Greta. Ben oui. Il y a de quoi faire avec ça. Quoi faire avec ça, avec maman pis tout. Maman Greta. Maman Greta? Oui. Cetra, pas Cetra. Cetra. Excusez-moi. Pourquoi je dis ça, en tout cas? Aucune idée. Mais j'aimerais ça aussi un... Parce que... Ah oui! Excuse-moi, je cherchais où c'est que je m'en allais. Crisis Core. Alors, il y a eu le jeu sur PSP, depuis il n'y a eu plus rien, parce que je pense que c'est Sony qui a les droits, ils n'ont pas Square sur ce jeu-là. Ah ouais? Fait qu'il n'y a rien eu depuis. Je n'haïrais pas ça... Un petit c'est quoi insert en français? Un feuillet avec un code de téléchargement de Crisis Core. Alors fais-les pas, là, fais juste me le donner. Ben ouais. Genre tel quel. Ben ouais. Je rejouerais, moi. Garde pas Abril. Ouais, je suis jamais à la deuxième partie, fait que je t'ai laissé le finir. Il y a comme deux écoles de pensée, on peut une soir pour regarder les... La bride ou les dents. Ah! Eh ben. Eh. Fait que je pense... Hey, qu'on va terminer là-dessus. Oui. Sur le petit bruit d'iPhone. Oui, mais... Et sur ce proverbe. Oui, en effet, mais surtout, on est vraiment excités que ça arrive. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, et toi, à la maison, t'en penses quoi? Est-ce que t'es plus excité que nous autres? Qu'est-ce que t'as hâte de voir? Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Qu'est-ce que tu veux pas qu'il change? Dis-nous ça dans les commentaires. On a toujours bien hâte de voir ce que tu vas nous écrire. Ouais, on a hâte de te répondre, là. OK, oui! Puis dis-nous si t'as aimé ça, Max, si t'as réagir, si t'aimes ça, on va peut-être en faire d'autres. Moi, j'ai pas aimé ça. Oui, je trouve ça plaisant. Ouais. Mm-hmm. Ça se fait pas tout le temps, parce qu'il y a pas toujours des grosses nouvelles qui nous tentent d'en parler. Mais quand il y en a, ça se fait bien. C'est une date. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se voit peut-être dans un prochain épisode. Salut!